Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter. Cette risala, il l'a écrit Jérôme l'Islam, Ibn Taymiyyah rahimahullah, pendant la fitna des Tatars. هذا العدو المجرم qui a envahi plusieurs pays de musulmans à Tatar. Cheikh l'Islam, il a écrit cette risala pour motiver les musulmans. Il a écrit cette risala pour montrer anna ma waqa'a lahum, ce qui est arrivé à l'époque de Cheikh l'Islam, c'est arrivé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Wa nahnu, cette épreuve qu'on vit ma'a haoula al-arfad الخبطة الضلال فمن هذا الباب من هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى يبخف سعباد يبخف أهل الحق بهؤلاء المجرمين فمن المهم أيها الطالب في هذا الحال c'est que tu saches comment le prophète عليه الصلاة والسلام s'est comporté. Tu saches أن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده في هذا الحال أيها الطالب tu dois placer ta confiance en Allah عز وجل وحده. Une suite de cours donnée par le frère Mounir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Cours numéro 2. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal'aqibatu lil-muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل في قراءة هذه الرسالة النصيحة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمسلمين حول ما حصل من التتار المجرمين قال رحمه الله فقد تبين بعض أسباب افتتاح هذه السورة بهذا أي سورة الأحزاب تقدم أن هذه السورة سورة عظيمة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين قال ثم إنه تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا قال شيخ الإسلام كان مختصر القصة الآن إذا كمانسي à résumer Ghazwat al-Khandaq al-Ahzab. Kana mukhtasar al-qissa ay en résumé qala anna al-muslimina tahazzaba alayhim 'ammat al-mushrikin alladhina hawlahum li hadha sumiyat al-ahzab li anna 'ammat al-mushrikin ay la plupart des mushrik mushrik al-jazira tahazzabu. Ah, ils ont formé un hizb. On dit hizbullah, hizb al-shaytan. Ils ont formé un hizb, un parti pour combattre un nabi alayhi salatu wa sallam. Falihada sumiyat al-hazab. Wa sumiyat al-khandaq, li anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam hafara fiha wa ashabuhu al-khandaq. Ay, al-khandaq c'est une tranchée. Qala wa ja'u أي هؤلاء الكفار المشركين وجاءوا بمجموعهم إلى المدينة ليستأصلوا المؤمنين. C'était ça leur but. Ils sont venus et ils ont bloqué المدينة لاستئصال المؤمنين. قال فاجتمعت قريش وحلفاؤها من بني أسد وأشجع وفزارة وغيرهم من قبائل نجد. هؤلاء des tribus. Ils faisaient partie de ceux qu'ils ont encerclé le Médine. قال واجتمعت أيضا اليهود كذلك اليهود mushriku al-arab et al-yahoud. Qala min Qurayda wa al-Nadir. Ça c'est des tribus min al-yahoud. Bani Qurayda wa bani al-Nadir. Qala fa inna al-Nabiyya ou fa inna bani al-Nadir. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل ذلك كما ذكر الله تعالى في سورة الحشر فجاءوا بالأحزاب إلى قريظة بني النضير ils ont rejoint بني قريظة les deux c'est ils font partie de l'Yahoud قال وهم معاهدون للنبي صلى الله عليه وسلم alors qu'il y avait un pacte بينهم النبي صلى الله عليه وسلم il avait conclu ma'ahaoula un traité de paix. Anna al-Muslimoun, ils n'attaquent pas les Yahoud, Quraïda, Bani Quraïda, et Bani Quraïda, ils n'attaquent pas les Muslimoun. Lakin, al-Khawana, ils ont trahi. Quand ils ont vu, wa hakada al-A'da, quand ils ont vu Anna Kathir min al-Arab, ils ont bougé pour éliminer al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pour venir pour terminer avec sa da'wah. Al-Yahoud, ils ont pensé que ça allait réussir. Al-Yahada, ils ont trahi le pacte et ils se sont rassemblés avec Haoula. Fitna. Qala wa hum mu'ahiduna lil-Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa mujawiruna lah qariban min al-Madina. Hala. Annahum, c'était ses voisins. Fil Madina. Il y avait un quartier les Bani Quraïda, les Yahoud. Enfin, ils sont sortis, mais nous, là. Et ils ont rompu le pacte qu'il y avait entre eux et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont rejoint Al-A'da. Qala falam yazalu bihim hatta naqadat Quraïdatul Ahd. Et haoula, Al-Arab, ils ont réussi à convaincre Bani Quraïda de rompre le pacte qu'ils avaient avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et là, au départ, ils ont refusé. ما زالوا بهم كما قال ils ont négocié avec eux hatta ils les ont convaincus en ils veulent en finir avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam فاليهود ils les ont rejoints. قال ودخلوا في الاحزاب فاجتمعت هذه الاحزاب العظيمه وهم بقدر المسلمين مرات متعدده الله اعلم كم ils étaient de plus que les musulmans. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons fil Madina wa haoula autour. Et ils sont un nombre beaucoup plus. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala nasrun 'abda. Qala fa rafa'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam adh-dhurriyya min an-nisa was-sibyan fi aqam al-Madina. Wa hiya mithl al-jawasiq ay amakin apar. Ça c'est min siyasat al-harb. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il fait, il met les femmes et les enfants en sécurité. Tastavid min hada, ana fi hadi al-ayyam, ce qu'on vit nahnu, s'il y a des endroits fi baytik pour mettre en sécurité femmes et enfants, tayyib. Limada, lianna si les femmes et les enfants ils sont touchés, ça fait beaucoup de mal au jeish. Ça fait beaucoup de mal. Al-Yahada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la première chose, il met ha'oula en sécurité. Il y en a des du'afa, ils peuvent pas se défendre. Il les met en sécurité. Qala, wa hiya mitl al-jawasiq, wa lam yunqulhum ila mawadi' ukhar, wa ja'ala dhahrahum ila sal'a, wa huwa al-jabal al-qarib min al-madina min nahiyat al-gharb wa al-sham, wa ja'ala baynahu wa bayna al-adu khandaqan. Ça c'est bitawfiqillah, lahu sallallahu alayhi wa sallam. Il place les femmes et les enfants dans un endroit sûr. Thumma, derrière le Medina, il y a un Jabal. Donc de ce côté, bi'idnillah azza wa jal, ils sont préservés. Wa hada kadhalik c'est min siyasat al-harb. Anna les montagnes, fi mitl hadhihi al-mawaqi', mitl hadhihi al-umur, si la montagne elle est prise, elle est contrôlée, fa bi'idnillah, au-dessus de cette montagne, tu arrives à contrôler ce qui est en bas et ce qui est autour. وأمامهم en face de الخندق. Ça c'est des أسباب عظيمة. يجب العناية بها مثل هذه الأيام. خنادق et les contrôles des montagnes. بإذن الله c'est des أسباب عظيمة. Et placer les femmes et les enfants en sécurité. Wallahi alhamd, ce qu'on vit nous maintenant, on tabaq mithl hada. On tabaq mithl hada, pas des khanadiq, ils ont été creusés, les montagnes que les tolabi possèdent bi idnillah azza wa jalla, elles sont contrôlées. Inch'Allah la yahsul illa khayra. Qala والعدو قد أحاط بهم من العالية والسافلة وكان عدوا شديد العداوة. نعم التتار يصير شديد العداوة. لا لا مجزرة كذوفة في بغداد الغستغة في التاريخ. ينقلون أنهم في quelques jours, quelques semaines قتلوا مليون في بغداد. بغداد فقط. En Irak ils ont tué أكثر من مليون. Avant d'arriver à en Syrie, عند شيخ الإسلام. Ils avaient une adawa chadida. La yatawarra'un. Femmes, enfants, yaqtuloun ma yajidoun. Qala, walau tamakkana minal mu'minin, lakanat nikayatuhu fihim a'zaman nikayat. Hakada al-adu. Wallahi zubad rahma abadan. Yahoud, wal-Nasara, mushrikoun, al-Rawafid. Zubad rahma. Lau tamakkanu, la fa'alu fil muslimin al-afa'i. صاب أوفن رجال نساء كبير صغير لا يبال. لهذا في مثل هذا الأمر سأن واجب عظيم كل مسلم يدافع عن son دين يدافع عن نفسه يدافع عن مال يدافع عن ses. هذا لو تمكن العدو لغا أكن رحمة. قال وفي هذه الحادثة أي حادثة التتار في الشام مع شيخ الإسلام تحزب هذا العدو من مغول هؤلاء التتار. قال وغيرهم من أنواع الترك. على بق نعم الترك كذلك كثير منهم يسمي أبيك التتار. قال ومن فرس. لبخس. قال ومستعربة ونحوهم من أجناس المرتدة. مثل على بق دو بروفيت عيسى عليه السلام. التتار على بق دو بروفيت عليه السلام. قريش سيئو كومبخي لينيسياتيف داتاك البروفيت عليه السلام. ثم لي زوت جروب دو كفار يزون بروفيت. Ils pensent que c'est bon, cette fois ça va marcher, on va réussir à prendre le dessus, et ils s'entraident entre eux. Hakada à l'époque de Cheikh l'Islam. Hakada. Les Tatars, ils ont pris l'initiative d'attaquer les musulmans. Katir men al-Turk, wa al-Furs, wa ghayrihim, ils en profitent. Hakada fi ayyamina nahna. Al-Houthi, il prend l'initiative et il est madfou. Il est poussé par l'extérieur. Et tu trouves des gens qui détestent le ta'wah, qui détestent l'islam. Ils en profitent. Ils aident financièrement ou avec des armes ou autre. C'est comme ça les kuffars. Ils se coopèrent sur le crime et le bien. Il faut que les musulmans se coopèrent sur le bien et le bien. Il dit Il dit Il dit قال ونزل هذا العدو بجانب ديار المسلمين وهو بين الأقدام والأحجام مع قلة من بإزائهم من المسلمين ومقصودهم الاستيلاء على الدار واستلام أهلها كما نزل أولئك بنواحي المدينة بإزاء المسلمين ودام الحصار على المسلمين عام الخندق على ما قيل بضعا وعشرين ليلة وقيل عشرين ليلة ثم حاصروا المدينة. Ils ont fait un blocus au prophète عليه الصلاة والسلام et ses compagnons à peu près 20 jours. Et le maqsoud, comme a dit Cheikh l'Islam, comme on a cité Amsi, le maqsoud, c'est d'en finir avec la da'wah du prophète عليه الصلاة والسلام. Les kuffar, ils ont essayé Amal Khandaq. Le maqsoud, c'est d'en finir avec la da'wah de l'islam. Ils ont essayé à l'époque de Cheikh l'Islam. Le maqsoud, c'est d'en finir avec Hadad Di. Ils essayent l'al avec هذه الدار. هكذا الكفار. الكفار في كل زمان ومكان. Ils étudient la situation des musulmans dès qu'ils trouvent un khair azim. Un endroit qui propage din, qui propage sunna, qui propage tawhid. Ils font tout pour les hal. Imma ils vont les accuser. C'est des terroristes, c'est des min هذا الباب. Imma ils vont leur compliquer les choses économiquement. إلى آخره. إما إلى ستك مباشرة بك لزام كما يحصل الآن دائما هكذا دائما. لكن المسلمون بإذن الله يصبرون. المسلم يصبر خاصة مسلم صالح خاصة السني خاصة بيرسون كي على علم يصبر والعاقبة للتقوى. الإسلام وكان عام الخندق برد شديد وريح شديد منكرة بها صرف الله الأحزاب عن المدينة كما قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. ساس توكل على الله. أبيرسون يتوكل على الله يا الله سبحانه وتعالى اللي على كل شيء قدير. توس جمع كبير الآن يبين من الجزيرة. De tous les endroits de la péninsule, les tribus arabes, Al-Yahoud, tout cela ils se rassemblent. Le but c'est d'en finir avec le Nabi alayhi salatu salam. Et ils ont cru qu'ils étaient proches de leur but. Allah subhanahu wa ta'ala il les a éprouvés avec Bard Shadid. Un froid. Bard Shadid, Jiddan. Hatta ils n'ont pas pu patienter, ils ont fait demi-tour. Il n'y a pas eu de combat. Comme a qala. Alaykum salam. Comme a qala Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kafa Allahu al-mu'minin al-qita. فالتوكل مهم على الله ليس لأسباب أسباب لا ينبغي on élève les أسباب et on a une conviction dans les أسباب أن c'est cette chose qui nous donne le نصر لا النصر إلي من عند الله النصر إلي من عند الله القوي العزيز فهذا مهم حتى روية كما جاء في الحديث صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه تلمو كيف البرد النبي صلى الله عليه وسلم ليلة une nuit ils étaient في الخندق dans cette tranchée et ils attendent والنبي صلى الله عليه وسلم il demande à un de ses compagnons d'aller prendre des nouvelles qu'est-ce qu'ils font l'adou tellement qu'il faisait froid personne n'a répondu النبي صلى الله عليه وسلم il a répondu une deuxième fois il a répété une deuxième fois même qui sait qui s'avance et il nous donne des nouvelles des a'da deuxième fois personne répond alors que as-sahaba radiyallahu anhum c'est les personnes qui se précipitaient à répondre lakin fi hadha al-hal al-bard tellement qu'il faisait froid ta'ibou deuxième fois personne peut répondre troisième fois man personne an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il sait alayhi salatu wasalam annahum ils sont en faiblesse, en ta'ab, le froid, al-jou' ila akhir. Fa Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a désigné Hudayfa. Il a dit qum ya Hudayfa. Hudayfa, quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire son nom, il n'a pas pu dire non, abadan. Il s'est levé et il était fi ta'ab wa bard shadid. Hudayfa il raconte annahu quand il s'est levé ka annahu fi al-hammam. Al-hammam c'est l'endroit où tu te laves, les endroits chauds, ma'ruf, avec de l'eau bouillante. Fa ka annahu fi hada. Aïe, le bard il est parti. Baraka min Allah. Ça vous montre que le nasr il est min indillah. Hudayfa il est parti. Et il est arrivé en face de l'ennemi. Il s'est caché. Et il a trouvé Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harb. Radiyallahu anhu. C'est devenu un grand sahabi ba'd. À l'époque il était ma'a al-kuffa. Il l'a vu. Annahum ils lui ont fait. C'est la tête de Quraysh Abu Sufyan à l'époque. Ils lui ont fait un feu. Et il chauffait avec son dos tellement qu'il faisait froid. كان يقرب منه. C'est ابتلاء من الله. Allah les a éprouvés avec cette chaleur. لكن تأمل الصبر الصحابة. لا شك السفر. لا شك la fatigue. لا شك la faim. لكن الصبر. إن الصبر أو إن النصر مع الصبر. كما قال عيسى عليه السلام. حذيفة رضي الله عنه il a armé son arc. Il a mis une flèche. Lakin, et il avait Abu Sufyan dans son viseur. Et il a dit, radiyallahu anhu, si j'aurais tiré, je l'aurais eu. Lakin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait dit, ne les provoque pas. Léana, ils vont répondre, wa sanata'ab. Hada kadhalik, c'est min siyasat al-harb. La personne est à ammal hada. Anna ahyanan, t'es dans un endroit, il y a du calme. Khassatan, t'as des responsables, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le Hudayfa. Ne tire pas. Ne tire pas, ça va les réveiller, les provoquer. Ça le tab. Laisse-les, ils sont calmes, on est calmes. Hatta yahkum Allah subhanahu wa ta'ala baynana. Fa Hudayfa radiyallahu anhu, il a armé. Comment il s'est rappelé de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a pas tiré. Allah, il a une hikma. Abu Sufyan, c'est devenu un grand sahabi radiyallahu anhu. Hada. T'as savé d'une hada? Anna, si t'as des ordres, tire pas. من أهل الخبرة من المسؤولين، ونضع احترام هذا. ربما يا Il y a des frères, ils sont pas prêts. Robama, le Makan, il est pas protégé comme il faut. Robama, il y a des familles pas loin. Tu vas tirer une balle, ils vont répondre avec du lourd, Robama. Et on se fait du mal avec nos mains. C'est calme, on écoute les ordres. Ahyanan, il faut faire des choses. La personne, il fait des choses. Amma, ahyanan, c'est calme. Il arrête, tu perds tes munitions et tu te fatigues. Fakot. Hala. Hala, c'est mohim. On revient à Razwat al-Khandaqari. أن حذيفة رضي الله عنه إلى بخيدي أخبار كم كويس أبي فخوة يسفخة وهذا الآن بداية النصر الآن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يعرف كي يزورون le dessus القوم ils arrivent pas à patienter حتى ils ont allumé un grand feu et ils se réchauffent خلاص ils peuvent plus combattre هؤلاء حذيفة il est revenu il a donné les informations au prophète عليه الصلاة والسلام quand il est revenu رضي الله عنه le froid il est revenu لأن c'est une aya min ayat Allah mu'jiza أنه quand il a rempli sa mission que le prophète صلى الله عليه وسلم lui a donné il était mitla fil hammam كانه في الحمام ثم il est revenu النبي صلى الله عليه وسلم il l'a couvert avec une couverture et il a dormi رضي الله عنه هذا ça montre أن حقيقة ils ont souffert جدا لكن la patience ils ont eu le dessus sans combattre وكفى الله المؤمنين القتال قال شيخ الإسلام قال وهكذا هذا العام أكثر الله فيه الثلج والمطر والبرد على خلاف أكثر العادات حتى لبوك شغل الإسلام quand les Tatars ils les ont entourés ils leur ont fait le blocus il y a eu un برد شديد جدا il y a eu de ثلج il y a eu de la neige il pleuvait beaucoup حتى تعبوا قال شغل الإسلام حتى كره أكثر الناس ذلك وكنا نقول لهم لا تكرهوا ذلك فإن لله فيه حكمة ورحمة ça, ça vous montre l'importance de connaître Sirat al-Nabi عليه الصلاة والسلام شوف شيخ الإسلام c'est un imam c'est un mujahid c'est شيخ الإسلام quand cette pluie il a neigé il a fait froid في الشام à l'époque de Tata كثير من الناس كرهوا ذلك كثير من الناس ils en pouvaient plus شيخ الإسلام il leur a dit là الآن ça c'est une hikma الآن ça c'est une نصر من الله patientez فقط شيخ الإسلام il a pris ça d'où من سورة الأحزاب أنا سعالم لكن celui qui a pas d'ilm في هذا ربما il comprend pas هذه الأمور كيف هذا il nous dit c'est bien il fait froid il pleut il neige صحيح التتار تعب كما تعب الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالبرد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلط على الحوثي بردا شديدا يكفينا به شره قال وكان ذلك من أعظم الأسباب التي زرف الله بها العدو فإنه كثر عليهم الثلج والمطر والبرد حتى هلك من خيلهم ما شاء الله حتى هذا البرد لا تشوي بكود لخشبو على بوك ده شغل الإسلام قال وهلك أيضا منهم من شاء دي بيرسون يسومور قال وظهر فيهم وفي بقية خيلهم من الضعف والعجز بسبب البرد والجوع ما رأوا أنهم لا طاقة لهم معه بقتال نعم tellement qu'ils ont souffert بهذا البرد والجوع il n'y a pas eu de combat ils n'ont pas pu combattre c'est تعب de combattre مع البرد c'est une حكمة من الله لكن أيها المسلم أخي الكريم البرد يتوشوزي tu prends les أسباب la personne quand tu vas en حراسة il y a مثل هذا البرد الشديد il prend les أسباب il se couvre et يصبر يصبر يصبر et quand tu souffres rappelle-toi que l'ennemi كذلك souffre et أنت بإذن الله t'as du sabr لأن tu combats لله عز وجل وهو يتشندر با أبدا قال شيخ الإسلام وهكذا هذا العام جاء العدو أو قبل ذلك ذكر قول الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا قال وهكذا هذا العام الله سبحانه وتعالى ادكخي هؤلاء اجاؤكم من فوقكم أي سمني من فوقكم أي d'endroits élevés ومن أسفل منكم d'en dessous des endroits qui étaient sous-élevés قال وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر خوف طبيعي La personne yakra hada al a'da min kulli janib qala azza wa jalla wa tadhunnuna billahi adh-dhununa fayati kalam shaghal islam qala hunalika ibtuliya al mu'minun sa ibtila 'azim wa zulzilu Zilzala shadida. Zulzilo, c'est le fait de trembler. Hada azulzal, c'est un zilzal shadid. Zilzala shadida. Qashir l'islam. وهكذا هذا العام جاء العدو من ناحيتي أو من ناحية علو الشام وهو شمال الفرات فزاغت الأبصار زيغا عظيما وبلغت القلوب الحناجر فاسي بور ديفينيغ الخوف قال لعظم البلاء لا سيما لما استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصر هذا الخوف لو أغمنتي أكثر أن في الشام Ils ont eu des informations, les Tatars viennent de toutes parts. Et ils ont eu l'information, les Askar al-Muslimin, à Daoula, ils sont retournés et la Misr. Ils ont délaissé Shem et ils sont partis à Misr. Misr, c'est, ça faisait partie de Daoula, à Daoula l'Islamie. Al-Al, بعض الناس خافوا la Daoula est partie, ils nous entourent de toutes parts. فتأمل هذا. C'est exactement ce qu'on vivait à Al-Ayya. بعض الناس دائما, mais pourquoi Fulan n'y fait pas? اصبر سين بلوى اصبر الله va te نصر avec ou sans فلان اصبر فقط اصبر الضعف كتا العدو الى اكثر الا العدو الاعداء هكذا il veut faire croire qu'il est pas en difficulté il veut faire croire qu'il avance حقيقة beaucoup de ces guerres c'est psychologie celui qui a le dessus psychologiquement il patiente mais إذن الله il a le dessus après قال وظن الناس بالله الظنون هذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد من جند الشام حتى يصطلموا أهل الشام وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة وأحاط بهم إحاطة الهالة بالقمر وهذا يظن أن أرض الشام ما بقيت تسكن شوف على ظنون قول الله عز وجل وتظنون بالله الظنون سيأتي ظن المنافقين لأن قول الله عز وجل وتظنون بالله الظنون الظن هنا يتفزون دو ظن المؤمنين أنهم إذا ما حسنوا الظن بالله كما بفوق في سورة الأحزاب ظن المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا هكذا قالوا سيصال الظن سيء أنهم كفل الأحزاب يسوسوا غسامبلي المنافق منافقون يزون دي أن لا بخمس دالله ستان منصوش Allah et son prophète, toujours ils nous disent on va avoir la victoire, on s'est fait entourer, khalas, on est fini. Hakada dan al munafiqun. À l'époque sur l'islam, min hadha al kalam. Qalu, on répète ce kalam, qala wa hadha wa dhanna al nas billahi dhununa. Hadha yadhun annahu la yaqif qudamuhum ahad. Ta'd al nas hakada à l'époque sur l'islam. Comment on va faire? Tous ces ennemis, c'est impossible qu'on arrive à les combattre, qu'on arrive à tenir. Hadha c'est un dhan sayyi. وهذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد حتى يصطلم أهل الشام وهذا يظن أنهم لو وقفوا لكسروهم كسرة ظن سيء si on convainc ils vont nous battre يا أخي توكل على الله c'est des êtres humains comme toi c'est des êtres humains comme toi et Allah subhanahu wa ta'ala il éprouve l'ibad à cause de leurs ذنوب لأن ce genre de fitan كثير من الناس à cause des ذنوب la personne في هذا الحال في التوبة il place sa confiance en Allah et yujahid fillahi subhanahu wa ta'ala amma donner de l'importance au adou ils vont faire ils sont inarrêtables c'est un kalam fariq qala wa hadha yadun anna ard al-sham ma baqiyat tuskan hatta ba'dhum ils ont dit khalas ard al-sham c'est bon on peut plus habiter fi al-sham on va fi misr ou fi al-yaman ou min hadhihi al-bulda qala shaykh al-islam wa la baqiyat takun tahta mamlakat al-islam wa hadha yadun annahum ya'khudhunaha thumma yadhhabuna ila misr فيستولون عليها فلا يقف قدامهم أحد فيحدث نفسه بالفرار إلى اليمن ونحوها حتى بعض الناس ils ont pensé à se sauver et rejoindre le Yémen et vivre au Yémen لأنهم ils étaient loin من هؤلاء sur l'islam il leur a montré أن هذا c'est باطل والله sauf toi au Yémen ils prennent la Syrie Chem le prochain pays ça sera le Yémen c'est pas la solution أبدا مثل هؤلاء الأعداء Ce qui les arrête, c'est le djihad. Ce qui les arrête, c'est le djihad. Et l'aqidah sahiha. Amma la fuite, ma balouk shaykh l'islam, ou amma l'ma'a, ils auraient fui, ils auraient délaissé. Ils auraient pris le Shab, ils seraient descendus, ils auraient pris Misr, ils seraient descendus, ils auraient pris le Jazira, le Yémen, ou Mekka, ou le Medina, rubbama. Wa hakada na'lou vi hadi l'ayya. Ba'd al-nas, ils ont min hadha al-kalam. mais c'est du suicide, mais comment vous allez faire, ils sont beaucoup. Celui qui parle, il motive les frères. Et il parle kalam tayyib imma ist. Man kana yu'minu billah wal yawm al-akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Lakin nasbir. Nasbir avec les parents, avec les proches, avec robama des amis, c'est des juhal. Ma ils connaissent pas hadi l'umour. Robama wa il entend les informations, la première chose il t'appelle au téléphone, quitte, sors, sauve-toi. Kana al-mas'ala c'est chacun doit sauver sa peau. Abadan. Attends, tu lui expliques kana al-mas'ala c'est mas'ala ad-din. C'est la dîne. Et tu lui expliques qu'elle a se sauver, c'est pire que de rester au milieu. N'aoudou billah. Tu vas te sauver, tu vas aller où? Tu te sauves et tu laisses tes frères, yuqtaloun. Lakin, as-sabr. Certains gens, ils ont un kalam qui ressemble au kalam des munafiqs. C'est pas un munafiq, c'est un jahil. Lakin, le munafiq, il dit ça, c'est bichoubt, il déteste l'islam. Mais certains gens, ils disent, minah adal kalam, ils aiment l'islam. Et le roi, il veut ton bien. Il pense qu'avec ce kalam, il va t'aider. Il va t'aider. Comme les gens qui veulent aider, les masakines, ils font du mal. Hamit la haoula, arrefq tout doucement. Hikma, tu lui montres, bi idnillah, tu le rassures, khasatan les parents. Tu les rassures, inshallah, yakun khayr. Qala shaykh al-islam, wa hadha yadhun, anna ma akhbarahu bihi ahlu al-athar al-nabawiyya, wa ahlu al-tahdhid, wa al-mubashirat, amani kadhiba. وخرافات لاغية كما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن المنافقون la première chose qu'ils ont dit ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. Tout ce qu'Allah nous a promis c'était que des tromperies. C'est du kufr والعياذ بالله. C'est du kufr طعن في رب العالمين. À l'époque de l'islam, بعضهم ils ont dit ça في علماء علماء السنة أنهم ils nous ont promis كذا, ils nous ont dit كذا et on n'a rien vu. لا المسألة تحتاج إلى الصبر. Ça montre كذلك l'importance de revenir à أهل العلم في مثل هذه الفتن. L'importance de revenir à أهل العلم. الله سبحانه وتعالى في الحقيقة أنعم على هؤلاء أي في فتنة التتار لشيخ الإسلام ابن تيمية. C'était القائد الكبير. C'était la référence في ذلك الزمن. حتى الحكام ils prenaient ses conseils في فتنة التتار. C'est une ni'ma. Murahma min Allah. Ça vous montre l'importance de l'ilm fi l'hurm. Pourtant les combattants, il y en a des milliers là. Lakin Cheikh l'Islam il est resté vite tarir. Il a combattu et il a combattu l'ilm. C'est pour ça que celui qui rassemble les deux, il est afdal inda Allah subhanahu wa ta'ala wa inda ibadihi al-mu'minin. Wa kadhalik fi hadhihi al-fitna Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alayna bi-Sheikh Yahya waffaqahu Allah. Ni'ma. النعمة كم من جهود كم من نصائح كم من تعب كم من اتصالات كم من مناقشات تصاب دفنس الدعوة نسأل الله عز وجل أن يسدده قال لا سيما وهو لا يفرق من المبشرات أو قبل ذلك قال وهذا قد استولى عليه الرعب والفزع حتى يمر الظن بفؤاده مر السحاب صحيح بعض الناس مثل هذه الأمور الرعب والخوف وبعضهم يد جبن يتسلط عليه حتى يبلغ يفر لا بيرسون يستريح لأن الأمر اللي بيد الله ربما يغفى تكومبا تأمل سورة الأحزاب وكفى الله المؤمنين القتال برد ils sont pas combattus pas de sang qui a été coulé Allah subhanahu wa ta'ala btalahum bil bard ils ont fait demi-tour la personne يستريح chaque chose à sa place ويكثر من الدعاء. Elle m'a trop réfléchi. Bardanas, ils réfléchissent trop. Trop. Il va voir, mais. Et il écoute. Il écoute Bardanas. Bardanas, la haqiqa, il parle trop. Tous les jours, il va voir, ils vont faire 6. Hatta rabbama yadhaif bil jama'a, yadhaif. Ya, ikhwan, le kalam, ça ne sert pas à grand chose. Wallah, ça ne sert pas à grand chose. S'ils vont faire, ils vont faire, que tu parles ou pas. S'ils vont pas faire, ils vont pas faire, même si tu parles pas. Ça, c'est dit, biqadarillah subhanahu wa ta'ala. On ne perd pas nos forces, yada. Au contraire, on se motive. Wallah, ils vont faire. Wallah, ils se motivent. On se motive. On se motive, anna al-nasr, il est ma'al mu'minin. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, il est ma'al muttaqim. Al-dhikr, on se rappelle sirat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et vous verrez qu'on sera ala khayr akthar. Al-hadar min al-qil wal-qal. خاصة تعلمون أن في مثل هذه الأيام les rumeurs sont كثير والله ربما تسور du masjid tu vas à ta chambre t'entends ما أدري كم من خبر Ou un hadith vient, il te dit, il y a eu deux morts. Un autre, il vient, il te dit 10. Le troisième, il te dit 50. Ma t'adri. Ah, truc à ça. T'avances à ma katrat le galam, ça fait du mal. Dites-le. Ça fait du mal. Khazatan, le nas, il répète tout et il amplifie. Hada, il diminue. Hada, il rajoute. Hada, il déforme. Hada, il a mal compris. Le khabar, il t'arrive, c'est un khabar, c'est pas ce qui s'est passé. Allah, truc à ça. On n'a pas besoin de hada. Toi, t'es au milieu, tu vis la chose. Tawakkal ala Allah et profite-en. Fais des amal khayr. Et Inch'Allah, tu trouveras hada yawm al-qiyam. سيما وهو لا يفرق بين المبشرات بين الصادق والكاذب هذا يدي خبر بعض الناس يفرق بلو صادق أو كاذب بعض الناس يكخوتو une éponge تعلمون هذا comme une éponge l'éponge elle ne fait pas de différence entre le propre et le sale elle absorbe tout enfin on ne doit pas être comme des éponges نحن أبدا si c'est un خبر مهم الشيخ يبارلغا vous avez d'expérience أنتم الآن أن الأخبار مهم الشيخ يبارل Le coursi, le micro, la planète entière, elle entend. Écoute, c'est ta vie. Bah, quand t'es dans la rue, Foulan, il va dire une chose, un autre, une deuxième, troisième. Toute ta journée, tu vas rester et ton calme, il est zahir. Hakaka, y'a rien. Hakaka, y'a rien du tout. On aurait pris un mushaf, ou l'inaya bi dhikrillah, ou l'inaya bi l'hirasa, ou l'inaya bi l'amal, ahsan lak. Ce qui va arriver, y'a rien. Allah, reste détendu, décontracte-toi, truc à la katra de tafkir, mais idnillah, ça te fera que du bien. قال ولا يميز بين التحديد بين المخطئ والصائب يعني في بلوس ديفيرون كذلك بعض الناس قله العلم يفي با اتونسيون اخبار هي دي اخبار في الحقيقه سون بعيده جدا لكن بعض الناس مساكين يزون حسن الظن اللي تخو واسع قال ولا يعرف النصوص الاثريه معرفه العلماء سي سا لا كوز مانك دو علم Il ne connaît pas le nusus. Il ne connaît pas Adillat min al-Qur'an wa min al-Sunnah. Ça va lui donner un mizan. Ça va être un filtre. Avec al-ilm, il pourra, il sait que ça c'est haq, ça c'est batil. Il a des limites. Quand il a un doute, il se renseigne. Il est al-ilm. Même al-jahil, c'est comme une éponge. Tout ce qui vient, il l'accepte. Tout ce qui vient, il l'accepte. Et Rabbama, il se fait du mal à lui et il fait du mal aux autres. قال شيخ الإسلام قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا سيتم ابتلاء عظيم قال ابتلاهم الله بهذا الابتلاء الذي يكفر به خطيئاتهم ويرفع به درجاتهم وزلزلوا بما يحصل لهم من الرجفات ما استوجبوا به أعلى الدرجة قال الله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور المؤمن إلى تبخوبي وابتلي هنالك ابتلي المؤمنون كما قال شيخ الإسلام هذا الابتلاء في الحقيقة سينبشرة بكتور ستفاس دي بشي ستلعب عن دقري بإذن الله عز وجل تحتسب تسابك لإخلاص بيان سور فبإذن الله سجو خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير عجبا للبروفيت صلى الله عليه وسلم الذي لو كاد المؤمن إليه تنو عجيب tout ce qui lui arrive c'est du خير إن أصابته ضراء صبر فكان خير له وإن أصابته سراء شكر فكان خير له هذا صحة المؤمن si c'est un bien il remercie Allah il est reconnaissant c'est un خير pour lui si c'est un mal il patiente et بإذن الله c'est un bien pour lui هكذا أما المنافق إلى فاس احتساب أبدا بل المنافق مباشرة إلى سوء الظن قال عز وجل وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا شبع على سوء الظن إلى بخذ في الحقيقة الأحزاب يبقى يتكون بالآن يغيي لكن اجتماع برد un manque de nourriture خلاص ils ont pas patienté حقيقة يبقى pas de combat يغيي إلى الآن pas de blessés ou la chey لكن الله les a éprouvés et تأمل الغزوة هذه à la fois apparaître كثير من المنافقين الآن ceux qui ont dit ça معلوم أنه سامنافق كيف يطعن في رب العالمين وفي رسول الله أنه وعده سمن الغرور سنتخبغي نعوذ بالله قال وهكذا قالوا في هذه الفتنة la même chose بعض الناس ils ont dit في فتنة التتا قال وعدهم أهل وعدهم أهل الوراثة النبوية والخلافة الرئاسية وحزب الله المحدثون عنه حتى حصل لهؤلاء التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هكذا أما المؤمنون ils ont suivi le Nabi صلى الله عليه وسلم ils ont patienté et bien إذن الله c'est eux alpha ils ont la personne il demande à Allah t'es pas à l'abri minhal t'es pas à l'abri ma tadri les choses elles avancent ton cœur comment il sera enfin, la personne toujours demande il demande à Allah et il se tourne pas comment ils ont pu arriver à ce point là ma tadri القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء la personne il demande al-thabat et il sait que c'est un abd daif et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qui préserve ton cœur c'est Mohamed قال شيخ الإسلام ولهذا أوجب الله على عباده أن لا يخافوا حزب الشيطان بل لا يخافون غيره تعالى فقال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين أي يخوفكم أولياءه هذا في هذه الأيام الشيطان الآن va tout faire pour te faire peur بهؤلاء الحوثيون ils sont des milliers الحوثيون ils ont du lourd الحوثيون ils vont faire الحوثيون ils ont pris tel village et يخوفك والله c'est من أحقر الناس يعني ابتلاء فقط أما c'est من أحقر الناس والله un petit village طلبات العلم ضعفاء ils ont pas beaucoup d'armes ils sont pas prêts à هذه الأمور pas d'entraînement ولا شيء من هذا ولله الحمد ils ont aucun ضرر من هؤلاء وهم اجتمعوا des entraînements des armes des ça fait des années ils préparent ولا شيء qu'est-ce qu'ils ont fait والله ils ont rien fait du tout ils ont rien fait ils sont dans des montagnes et ils attendent et ben nous on attend والله c'est pas une attente من الخوف أو الجبن أو أبدا c'est une attente on طبق الأدلة et on a un qaïd on le suit هذا حتى يفتح الله سبحانه وتعالى بين عباده فلا لا تبالي بهذا الشيطان يتفكر والله انهم هؤلاء sont احقر من الذباب comme une mouche qui vient et qui te gêne tu la repousses هكذا tu t'arrêtes là et avance demain un sulh ou demain نصر من الله ou demain une autre chose et باذن الله tu parleras de ces choses au passé comme ça arrive au premier hisab ثم ينطخ بروف وهكذا حتى تلقى الله أيها المؤمن الله سبحانه وتعالى يتكخي لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الله سبحانه وتعالى quand il aime son serviteur il l'éprouve إذا أحب الله عبدا ابتلاه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثال فالأمثال فسساء هذه الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس سساء هذه الدنيا الآن تيري بخوف دي حصار دي حرب avec les حوتي هل فافينيغ تغي نوت فتنة ثم استفدنا الفينيغة ثم ينوت حتى تلقى الله est-ce que t'as patienté أم لا est-ce que tu mérites les hauts degrés أم لا هكذا استريح avance tout ce qu'il y a c'est بقدر الله الآن tu réfléchis ou tu réfléchis pas ça arrive t'es content ou t'es pas content le blocus il est là Inch'Allah on reste décontracté et c'est ça le hal alhamdulillah les frères ils sont à la khair lakin min bab al-dhikra قال شيخ الاسلام فدلت هذه الايه وهي قوله تعالى اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض على ان المرض والنفاق في القلب يوجب الريب في الانباء الصادقه celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a éprouvé son cœur wal a'yadu billah bin nifaq wal marad les informations véridiques, il doutera. Quand c'est du kadhib, il accepte. Hada, c'est plus une éponge. Hada, wal'iyadu billah, son cœur, il accepte que ce char. Et dès que c'est du khayr, il a des doutes. Hada, tu le vois. Matalan, ahyanan, t'essayes de réconforter. Tu dis, bi'idnillah, on est à la khayr, bi'idnillah, on aura la victoire, bi'idnillah, les choses, elles se passent bien. Rubbama wahad, il est malade. Dès que ça parle de bien, il contredit. Non mais واحد يبعل دشر و ابتتفون وفاق يصدق يجي أنا عم هذا سوء قلب المريض المؤمن يدوى فايت هكذا أبدا المبشرات خاصة كي سون فوندي بإذن الله il accepte سين تسلي يقول إلى الشر يستعيد بالله من الشر ومن أهل الشر هذا شيخ الإسلام يتمنطق أن المنافق il est caractérisé par هذا صلى الله عليه وسلم قال والنفاق في القلب يوجب الريب في الأنباء الصادقة التي توجب أمن الناس لأن الأخبار الصادقة المبشرة ça réconforte les musulmans tu trouves le munafiq يشكك بهذا il a des doutes قال من الخوف حتى يظن أنها كانت غرورا لهم كما وقع في حادثتنا هذه سواء أي مع التتار ثم قال تعالى وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا première étape les doutes المنافق deuxième étape الآن la fuite هكذا المنافق صلى الله عليه وسلم وإذ قالت طائفة منهم un groupe entre eux ils vont commencer leur da'wah de shaytan قالوا يا أهل يثرب أي المدينة لا مقام لكم فارجعوا on n'a pas notre place ici L'ennemi, khalas, il nous a entourés. On fait demi-tour. Na'oudou billah. Al-Nabi, il est fil khandak. Al-Sahaba, il est fil khandak. On vous a raconté l'histoire de Hudaïfa Bard. Al-Nabi, il essaie d'avoir des nouvelles. Ou yasbiroun, tu trouves ha'oula al-Makhadil. Ils sont fil Madina. Ils rencontrent des autres personnes et ils essayent de les appeler. Arji'ou. Il sort du khandak. Reviens, vous n'y arriverez pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عسكر المسلمين عند سلع سلع الجبل الجبل كدغيغو إد أنفس الخندق قال وجعل الخندق بينه وبين العدو ولا إكسبليكينا الترتيب مهم الترتيب يا جماعة مهم الآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الترتيب مضبوط جدا les femmes et les enfants dans un endroit الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم أفخون أنفس دول الخندق Tellement qu'il était vaste le khandak, hatta un cheval il ne peut pas traverser. Ils l'ont fait wasi. Khalas, l'ennemi il est bloqué de ce côté. De l'autre côté, montagne, avec Sahara, et la montagne, ta'lamoun. Tu ne peux pas monter une montagne et il y a des personnes au-dessus. Il ne te laissera pas. Khalas, le tertib il est mabou. Ça nous montre un miette de tertib. Ya akhi, il y a un khandak, prends le khandak. Ya akhi, wahad il te dit baisse-toi, c'est khatir, baisse-toi. ما بالك ومن دي الساك نتعب تو واحد يباس اكوتي سيسيرا كو كثير لي بيرت كون ا اي دون البرومي حزار في هذا اقل لان لي فخير والله الحمد لله بلوس ديكسبيريونس سيتي من هذا واحد يا خندق يباس اكوتي يس في تيغي دسو ثم لا تريستاس على جميع الاخوان فيا اخي تي با تو سول كذلك في هذه الحروب نحن نستفيد تي با تو سول دائما ميم يا دي شونس دي فوا Farahatan, des fois, tu passes khandak, tu sens qu'il n'y a pas de danger. Et quand tu vas passer à côté, un va dire kada, un deuxième va dire kada, évite tout ça. Évite tout ça et laisse le qulub mujtami'a. On le voit devant entre nous. On est dans un endroit maintenant, un dit à un autre, ya akhi, baisse-toi. Non, il n'y a rien. La tension, elle commence. Shaitan, il rentre. Il t'a dit, baisse-toi, sahih. Est-ce qu'il veut ton mal? Là. Est-ce que si tu te bats, il y a un mal? Là. Tu te baisses, il n'y a que du khair. T'es protégé. Khalas, baisse-toi. Il n'y a rien, sale. Sahih, barakallahu fik, akhi. Et le qulub, elle reste mujtami'a. Toute la journée, baisse-toi, ne te baisse pas. Ça fait des tensions entre les ikhwan. Shaitan, il rentre. Thomas, si ton cœur il est tendu, t'es tendu, il dit qu'il baisse. Ton cœur est durci et après il arrive ce qui arrive. Ah, ça c'est mohim. Tout ça, nastavidu min sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Anna al-jaysh il était murattab. Chacun à sa place. Anna al-fawda. Un jour il va là, un jour il court là, un jour le mas'oul il dit ça, lui il dit là, moi je sais, moi j'ai. Ya akhi, ça c'est le fawda. Ça c'est le fawda. Wa kam shaykh nasah. Cheikh Daïm Al-Yansah, Anna il a mis des responsables, tu suis les responsables. T'es d'accord, t'es pas d'accord, t'es pas d'accord, Nsah, tu vas voir, y'a akhi, j'ai un avis, je pense que t'as, Rubbama t'arrives à le convaincre, Ni'ma. Amma al-fawda hakada, la. Alhamdulillah, omour et son khayr, lakin, on répète. Qala faqala ta'ifatu minhum la muqama lakum huna, li katrati l'adou. Khalas, al-munafiqoun, al-munafiq l'an yashtagil. Comment t'es fru, khandak? Vous êtes une centaine, ils sont des milliers. Je fais à la chouba. Al-Al, le munafiq, sa aqida, elle est dans quoi? Dans le nombre. Elle est dans le nombre. On est inférieur, ils sont plus. Ils croient automatiquement la supériorité à leur dessus. C'est batil, wa man nasru illa min indillah. Qala. Farji'u ila al-Madina wa qil la muqama lakum ala din Muhammad. Farji'u ila din al-Shirk. Ba'dhum, ils ont dit hada wa al-Aidoula. Des munafiq, ils ont été clairs. Ils ont dit, si on reste à la dîne Mohammed, ils vont nous combattre. On revient tous au shirk. Comme ça, ils nous laissent. C'est quoi la vie? Chauf, ils vendent son dîne. La chose la plus importante qu'il a, il veut la vendre pour Yaslam, min al-adou. Si tu passes cette fitna, t'en auras une deuxième. حياكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.